Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL 89.1 et on se transporte aux îles de la Madeleine. Vous en avez sans doute entendu parler, des sacs de mazout font surface sur les plages. On fait le point de la situation avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, l'érosion du sol et les tempêtes qui arrivent très souvent dans ce secteur-là, aux îles de la Madeleine, ont révélé un fantôme du passé, qu'on pourrait dire, qui est enfoui sous le sable des îles de la Madeleine. C'est, comme tu l'as dit, des sacs de mazout. Mais la particularité, c'est que ceux-ci sont contaminés au BPC. OK, ça fait que c'est encore pire que du mazout. Oui. Hein. Et certains sacs sont seulement à quelques pieds de profondeur. Et en tout, on estime qu'il y aurait environ 250 000 sacs de mazout qui auraient été enterrés sous les dunes des îles à la suite d'un naufrage qui est arrivé en 1970. Et ces sacs-là auraient été enterrés sur pas moins de 80 km de plage. Mm-hmm. Donc, ça fait déjà un bout de temps que c'est arrivé. Oui. Les îles de la Madeleine, pour vous donner une idée, comptent environ 12 000 habitants et qui se partagent un territoire d'à peu près 200 km². Ça, c'est à peu près l'équivalent de l'île d'Orléans. Et les îles de la Madeleine sont situées en plein milieu du golfe Saint-Laurent, sont entourées de hauts fonds. Donc, sont témoins d'assez souvent, d'assez fréquents naufrages dans ce secteur-là. Dont celui de l'Irving Whale. Mais ça s'est passé comment tout ça, en fait? Tu peux nous faire un peu un rappel des événements? Oui. Donc, c'est le naufrage de l'Irving Whale qui a causé là, ce branle-bas de combat. Ce bateau-là a été construit, en fait c'est une barge plutôt, a été construit en 1966. C'est un pétrolier qui est conçu pour transporter du pétrole dans des citernes, mais puisqu'il n'était pas doté de sa propre propulsion, il était remorqué par un bateau. Donc, le 5 septembre 1970, la barge Irving Whale, quitte Halifax à destination de Bathurst au Nouveau-Brunswick et elle est remorquée par le bateau Irving Maple. Et le 7 septembre, la mer était plutôt agitée et la barge a malheureusement coulé à 67 mètres de profondeur, environ à 60 km de l'île du Prince-Édouard et à une centaine de kilomètres des îles de la Madeleine. Mm-hmm. Et elle transportait à son bord 4200 tonnes de mazout très lourd, très épais et visqueux. Et on disait même à l'époque qu'il fallait le chauffer pour qu'il demeure à l'état liquide. OK. Donc, c'est du mazout qui a coulé, là, qui pourrait s'en surface. Oui, ça s'est mélangé un peu partout parce que là, ça s'est ramassé sur les plages des îles de la Madeleine. Et comme il n'y avait aucune loi à l'époque vraiment de procédure pour récupérer la barge et on sait qu'à cette époque-là, les mesures environnementales à prendre, c'est pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc, la barge est restée au fond de l'eau jusqu'en 1996. Et à l'époque, on se souciait peu que l'épave restait au fond. Puis là, on s'est rendu compte que les concentrations de BPC étaient vraiment alarmantes. Parce que dans les années 80 et 90, on a fait des analyses. Il y a eu des analyses qui ont été faites par Environnement Canada sur le site du naufrage qui signalait une concentration de 10 000 parties par million. Ça, c'est à peu près 200 fois la norme qui est admissible dans l'environnement, une norme qui est de 50 parties par million. Mm-hmm. Et pour vous donner une autre idée, la norme qu'on dit sécuritaire pour la santé humaine au Canada, c'est de 2 parties par million. Okay. Et aux îles de Madeleine, on a retrouvé des concentrations jusqu'à 127 parties par million. Ça, c'est suite à des analyses qui ont été faites dans les années 90 par Greenpeace. Okay. Et donc là, l'Irving Whale, on peut dire que ça l'a causé l'un des plus gros, sinon le plus gros déversement de BPC de toute l'histoire canadienne. Sur les 7500 kilos de BPC que contenait la barge au moment du naufrage en 1970, il y a environ 300 qui vont être recueillis à cette époque-là et à peu près 1500 quand on va renflouer la barge en 1996. Ça a coûté 42 millions pour renflouer la barge et ça a été payé entièrement par le gouvernement fédéral. OK, pas par la compagnie. Non. Et quelques 5000 kilos de BPC contamineraient toujours le golfe Saint-Laurent. OK. Mais comment, en fait, les sacs de mazout se sont retrouvés sur les plages des îles de la Madeleine? Mais en fait, c'est Transport Canada qui a organisé à l'époque le nettoyage des plages et avec une méthodologie qu'on pourrait qualifier d'un peu douteuse. En fait, il y a eu 200 000 sacs qui ont été distribués à une armée de travailleurs, qu'on pourrait même dire bénévoles. Oui, c'est ça. Qui ont récupéré une bonne partie de cette espèce de masse visqueuse qui était mélangée au sable. Et plutôt que de ramasser les sacs, parce que aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on ferait, on a décidé de les enfouir. Et les opérations se sont déroulées un peu à la hâte. Et là, il n'y a personne qui a pris en note le nombre de sacs qui est enfoui. Puis même ni même leur emplacement exact. Ouais, c'est incroyable. C'est un méchant casse-tête aujourd'hui. Parce que là, il y a des sacs éventrés qui vont refaire surface pour la première fois 5 ans plus tard, en 1975. Et là, il y a une quantité inconnue des sacs qui va être retirée. On ne sait pas vraiment exactement combien, pour la première fois, vont être retirés. Et avant l'annonce possible de cette contamination au BPC, là, parce qu'au début, on ne le savait pas là, que ça contenait des produits toxiques à ce point-là, les sacs étaient brûlés. Imaginez la toxicité des contenus, là. Et puis, c'est juste en 1992 que la compagnie Irving va communiquer la présence de produits, de qu'est-ce qui était dans la barge, en fait. Autrement dit, des BPC, quoi. Oui. Et 25 ans après le naufrage, en 1995, c'est seulement aussi tard que ça qu'elle va dire à Environnement Canada que la barge contenait 7520 kilos de BPC qui étaient utilisés dans le système de chauffage de l'Irving Whale. Parce que ça servait, là. C'était pas le produit qu'on transportait, là. On transportait du pétrole. Là, ah, OK, on s'en servait. Du mazout, comme, pardon. Oui. Hein, mais c'est parce que les BPC, ils étaient à l'intérieur du moteur, on peut dire, là, de la barge. Okay. Là, on s'en servait quoi comme carburant pour le. Pour, ben, la barge, en fait, c'est ça servait, ce liquide-là servait pour le refroidissement, là, de la mécanique okay, de la barge, là. Et de 2009, récemment, de 2009 à 2010, là, on a retrouvé en si peu de temps, là, 1096 sacs sur les dunes. Et selon les données les plus récentes de la garde côtière canadienne, seulement pour l'année 2008, il y a eu un record d'à peu près 2000 sacs qui ont refait surface, dont 700 qui étaient à peu près une centaine de mètres des résidences d'un village de Pointe-aux-Loups. C'est le secteur qui aurait eu qu'on retrouve à la date le plus de sacs. Là. OK. Et là, avec le réchauffement climatique, ben, l'érosion des côtes va être amplifiée. Puis là, ben, ça risque de mettre à jour de plus en plus de sacs de ce genre-là. Ben écoute, on parlait de sacs qui contiennent du mazout avec des BPC. Mais en fait, est-ce que tu peux nous rappeler des BPC? Qu'est-ce que c'est précisément? Ben, les BPC, c'est les biphényls polychlorés. C'est des contaminants industriels. Ça a été beaucoup utilisé comme agent de refroidissement. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est pas les BPC qu'on transportait de. On vendait pas ça, là. C'était utilisé comme système comme agent de refroidissement. On retrouve ça même dans les encres d'imprimerie, dans la peinture, dans le plastique, dans toutes sortes d'autres produits refroidissants. Il y en avait dans les transformateurs d'Hydro-Québec aussi, là. Je pense que oui. Oui, effectivement. Et ça a même été utilisé comme additif dans des pesticides pour prolonger leur effet. Mm-hmm. Donc, les BPC, c'est des éléments qui résistent quand même beaucoup à la chaleur et même aux solutions acides. La résistance de ces produits-là, ben, quand c'est déversé accidentellement dans l'environnement, surtout dans un environnement marin, ben, ça provoque facilement une bioaccumulation là, quand ça se retrouve en liberté dans l'environnement. Tout à fait, parce que c'est très soluble dans les graisses. Hein, donc, si on en absorbe, mais ça se dissout dans nos graisses. C'est ça, ça reste un peu. Ça sort dans notre corps. C'est ça. Donc, le déversement de l'Irving Whale a vraiment contribué à l'augmentation des composés toxiques dans l'environnement du Golfe Saint-Laurent. Effectivement, puis en fait, c'est un peu désolant de voir comment ils ont été peu responsables dans la gestion de tout ça. Ne serait-ce que de révéler en 92 qu'il y avait des BPC dans... Oui, 25 ans plus tard, c'est un petit peu tard. Mais j'imagine que tout ça n'a pas été sans impact pour l'archipel des îles. Ben, vraiment, parce que là, aux îles de la Madeleine, on commençait à s'inquiéter... D'abord pour la nappe phréatique, parce que les sacs étaient enterrés dans des tranchées d'environ 6 pieds de profondeur. Et là, la nappe phréatique risquait peut-être d'être affectée, surtout vu l'état pitoyable des sacs là, après toutes ces années. Là, on parle de presque 40 ans. Ben oui. Puis là aussi, on s'interroge sur les cas de cancer. Est-ce que ça peut être lié à ces contaminants-là? Je vous fais juste penser à Shannon. Oui, mais oui, effectivement, tout à fait. Ça se ressemble un peu. Hein? Les Madelinos remarquent qu'il y a de plus en plus d'habitants qui doivent se battre contre ce fléau mortel. Et là, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que tout le monde se connaît ou presque là-bas, ou c'est simplement parce qu'on, c'est comme bien d'autres choses, on en entend de plus en plus parler. Autant dire, est-ce que c'est un problème de communication ou est-ce qu'effectivement, il y a une hausse des... Là, on s'interroge, c'est ça, on s'interroge s'il y a un problème de santé qui serait lié à la contamination des nappes phréatiques par ces sacs-là. Et là, il y a même le... directeur de l'hôpital régional qui va se poser cette question-là parce qu'il remarque qu'il y a une part de plus en plus importante de son budget qui va dans les traitements contre le cancer. Okay. Et là, ça ne l'a pas laissé indifférent. Il a décidé de commander une étude et les surprenants résultats vont arriver en 2005. les décès causés par le cancer sont 25 % plus élevés aux îles de la Madeleine que partout ailleurs dans la province. Mm-hmm. Et pourtant, on aurait tendance à attendre le contraire, je pense. Oui, hein? Parce que là, ben, c'est parce que c'est pas en ville. On est dans un milieu comme on pourrait quasiment qualifier de rural. Il n'y a pas de pollution de l'air là-bas. C'est ça. Là, il y a un nombre aussi anormalement élevé de cancers du poumon et de l'estomac qui sont détectés dans l'archipel. Puis là, ben, c'est un milieu qui est plutôt calme, là, comme on dit, qualifié de rural. Normalement, ça devrait plus atténuer les risques que les aggraver. Uh-huh. Puis en plus, ils mangent beaucoup de poissons aussi. Oui. Là, il vient aussi la question de ce que le poisson ouais. est contaminé par autre chose. Ben, c'est ça. On sait que le golfe Saint-Laurent, c'est pas le... Ben, le Saint-Laurent en général, là, c'est pas l'eau la plus... Mais surtout, s'il y a du BPC, des BPC dans l'eau, ils peuvent se dissoudre dans le gras des poissons. C'est ça. Et se ramasser ça, dans... C'est ça, ça finit par se transmettre. Tout à fait, oui. On peut pas dire avec certitude c'est quoi la cause exacte de tous ces cas de cancer-là, parce que c'est pas facile à détecter là, les causes exactes. Est-ce que ça serait les habitudes alimentaires? Est-ce que ça serait à cause de la cigarette ou ben, les déchets qui polluent le sol des îles? Mais en 2009, il y a des analyses qui ont été faites qui ont pourtant révélé aucune trace de BPC dans l'eau potable. Uh-huh. Donc, en tout cas, pour l'instant, cette cause-là semble être écartée. Écartée. Donc, mais là, c'est pas très soluble dans l'eau potable non plus. Là. Non, c'est ça. Ouais. Là. Fait que, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ça a contaminé la nappe phréatique. Une fuite de pétrole, ça a vraiment des conséquences majeures sur l'environnement, mais là, c'est accompagné d'un déversement de BPC, c'est vraiment catastrophique parce qu'on ne parle pas de quantité négligeable. Donc, vous souvenez des chiffres que j'ai dit tout à l'heure, là, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre la compagnie Irving? Oui, mais malheureusement, ça s'est réglé hors cours et pour une peine d'environ 5 millions de dollars. Quand on pense que juste le renflouement a coûté 42 millions, là, c'est pratiquement ridicule. Ah ouais, c'est un fait. C'est dommage parce que l'archipel des îles de la Madeleine, c'est vrai, c'est un trésor écologique qui est riche, mais qui est fragile. Et là, ben, l'archipel doit faire face aussi au spectre de l'exploitation pétrolière dans le golfe Saint-Laurent parce que là, le gouvernement s'intéresse de plus en plus à ça. On pense juste à Old Dairy, toutes ces choses-là. Là. Mm-hmm. Donc là, on voit la fragilité d'un tel écosystème quand il arrive une catastrophe comme celle-là. Puis, ça ne veut pas dire qu'on serait à l'abri de ce genre de choses-là, même en 2014, si on faisait l'exploitation là-bas. Là. Tout à fait. Et puis, au vu des différents incidents causés par l'exploitation pétrolière, bien, on se demande si l'exploitation pétrolière et protection de l'environnement peuvent faire bon ménage. Oui, on se pose vraiment cette question-là. Hein? Merci, Mélanie. Écoute, j'étais même pas au courant de la situation. Alors, ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai fait découvrir cette situation à bien des gens. Alors, écoutez, petite pause musicale sur CKRL et au retour, on reçoit le docteur Pierre Gosselin de l'Institut national de la santé publique qui nous parle de l'impact des changements climatiques sur la santé. À tout de suite.